Chapitre 6. La rareté contre l'abondance. 52. Introduction. Lu par Poussin San. Chapitre 6. La rareté contre l'abondance. La propriété intellectuelle ne serait donc rien d'autre qu'une machine à fabriquer artificiellement de la pénurie. Quoi de plus abondant que la connaissance, la musique ? La copie et l'imitation composent les canaux naturels de cette profusion dont l'immatériel est devenu le nouveau démiurge. Pourtant, au moment où cette abondance semble pouvoir s'imposer, gouvernements et grandes entreprises ne songent qu'à l'entraver comme s'il s'agissait d'une dérive antisociale, sinon subversive, avec pour argument que seule la restriction de la copie offre aux créateurs une garantie de revenus. L'abondance, voilà l'ennemi. La profusion détruit le marché, un consommateur n'achetant pas un bien dont il dispose déjà à satiété. À cet apparent paradoxe, une raison, l'économie, ou plutôt la difficulté de penser celle-ci en dehors du marché. La naissance de l'économie politique date de la pénurie généralisée, celle des terres, de la nourriture, des biens. Consubstantiel de cette pénurie naturelle, le marché, dans son expression théorique, apparaît alors comme le système optimal de gestion de la rareté, analyse l'économiste Bruno Venteloup. De la propriété privée, des vendeurs, des acheteurs, un prix. Le marché est sévère, mais c'est un moindre mal, et à terme, tout le monde en bénéficie. Tel est le dogme qui scelle les sociétés modernes. Or, le tout marché, aux effets déjà ravageurs dans le monde matériel, se révèle une hérésie économique en ce qui concerne l'immatériel. La surprotection des œuvres et du savoir par une propriété intellectuelle toujours plus stricte conduit à l'assèchement des créations et freine la circulation des savoirs, pourtant indispensables au progrès économique. Il devient urgent de sortir de l'obsession de la rareté.